Zeggen we nu de Silo Hind en Brezonnik? C'est l'heure de retrouver Hind en Brezonnik. Henri, le Naou est avec nous, c'est l'émission Hentar Brezonnek. Kentel, Henri, Perzek. Perron. Perzek. Ah oui, Perron, Perzek à Triugen. À Triugen, voilà, 474. Ah, d'abord on dit les centaines, après on dit les unités, ouais, et après on dit les dizaines. Ouais, c'est pour ça? Gisevegret en Brezonnek. Gisevegret en Brezonnek. Henri, on commence comme d'habitude par Gerio Arvué. On découvre un mot à chaque fois, et là c'est un mot un peu particulier. Alors aujourd'hui on va parler de Netra. Ça ne veut pas dire qu'on va parler de rien, mais on va parler du mot qui désigne rien. Enfin, voilà, Netra. Alors c'est un mot qui est composé du mot tra, qui veut dire une chose, hein. Et comme il y en a pas mal, hein, de comme ça, Petra, Péadra, Trawar. Alors Netra, c'est une contraction de Neptra, aucune chose. Donc il signifie rien, rien de rien, non rien de rien. Et c'est un adverbe, et donc il est invariable. Alors parfois on l'utilise comme un mot, hein, comme un nom commun, pour dire un rien. Souvent d'ailleurs sous la forme diminutive netraïque. Netraïgou, netraïgou des petits riens. Il y avait un festival, tiens, des petits riens. Je ne sais pas si ça existe encore. Non, ça n'existe plus, ils ont changé ça. Des petits riens, netraïgou. Il y avait des patates sur l'affiche, je me rappelle. Oui. Netraïgou. Alors, par exemple... Quand je pense à Netra, je pense tout de suite à la chanson du café, hein. Netra ne blichtin mi vel or banar café. Netra ne blichtin mi vel or banar café. Voilà, bien connu, hein. On chantait ça dans tous les repas de noces ou autres, hein. Et même on le sonne à la clarinette, hein. Ou au biniou, à la bombarde, enfin. Voilà. Il y a aussi, dans Vintenor Vassal, un Netra ne zeban, un Netra ne evantin. Un étrange zébon, un étrange éventine, mais au bon arguin douze, évente pémézerhut. Fontaine Arroisal, ex. Oui, Fontaine Arroisal, oui. C'est les Sorgodec qui chantaient ça? Oh, il y a pas mal de gens, hein, mais. Christian Duro l'a repris avec Arnaud Fred, c'est magnifique. Ouais, j'ai entendu, ma tante Maïlou chanter ça autrefois aussi. Sur cette air-là aussi? À peu près cette air-là, quoi. Chacun avait sa version, hein. Les airs, c'est comme les paroles d'ailleurs, hein, ça se modifiait puisque c'était pas fixé dans le marbre, hein, donc. Mais le sens, c'était à peu près le même tout le temps. Sens, oui, le sens, l'histoire était la même. Voilà. Alors Netra. Alors on trouve dans beaucoup d'expressions ce mot Netra. Hein. Par exemple, casse de Netra. Qui est anéantir, hein, faire disparaître quelque chose, casse de Netra, envoyer à rien, quoi, hein, si on traduisait littéralement. Monde de Netra, disparaître. Alors donc la forme participe passé, c'est être de Netra, hein, disparu. Netra d'Ober, rien à faire. Par exemple dans la chanson Pesqueter Yaudet, qui est une chanson que j'aime beaucoup, de Jean Derrien, là, il dit... Amas aiguireur barados, neneus netra d'ober, de ze beur et bétagnons, migavo hiren amzer. Et si c'est vrai qu'au paradis, il n'y a rien à faire, du matin au soir, je trouverai le temps long. Et donc, il demande une permission de sortie, mais chez Saint-Pierre, ça n'existe pas, quoi. Voilà, d'autres expressions. Alors, netra neve, rien de neuf, hein. Netra neve, en gros, hein. Alors nous, on dit souvent manebed, hein, le synonyme, hein, rien du tout. Oui, ce serait manebed, ce serait plutôt rien du tout. Hein. D'accord, oui. Voilà, manebed pour netra aussi. Je l'entends plus souvent, j'ai l'impression, manebed que netra. Oui, oui, oui. Oui, oui, c'est plus courant en langue kreisbreise ici, oui. Manebed. Voilà. Donc, diwar netra, à partir de rien, par exemple, ober diwar netra, c'est créer. C'est-à-dire « ou zevel diwar netra », ça veut dire « faire quelque chose à partir de rien ». C'est d'ailleurs la définition du verbe « créer ». Hein. La création, c'est à partir de rien. Autrement, dans la vie courante, c'est pas facile de faire quelque chose à partir de rien. Il faut quand même une matière première. Alors, comme je disais, on emploie parfois le mot comme nom, hein, le néant, « netra ».« Netrachin », plus rien du tout. Evin Netra, pour rien, gratuitement. Des fois, d'ailleurs, maintenant, quand on dit merci, l'autre répond Netra ou Desnetra. Mais ça se faisait pas autrefois. Hein. On disait pas pour rien. Quand on donnait quelque chose, on considérait que c'était quelque chose. Donc, il n'y avait pas de commentaire après le merci, il n'y avait pas de commentaire. Ouais. Voilà. Netra Igou, j'ai déjà dit, des petits riens, hein, des bricoles. Hein. Chombe d'Obernetra, c'est-à-dire perdre son temps. Rester sans rien faire, c'est perdre son temps. Ah oui, dans le temps, c'était très important, ça. Hein. Ma grand-mère me disait toujours « Chombe que dorme Netra, chombe que dorme Mande Bédaz. » Il y a des grand-mères qui disaient « Mais pourquoi tu restes à lire alors qu'il y a le balai à passer quand même, tu vois pas ?» C'était ça. Ouais, ouais. Oberonneur de Znetra, hein, faire une montagne avec une topinière. Oberonneur de Znetra, c'est-à-dire faire un mariage avec rien, quoi. Monter quelque chose en épingle. Ne Znetra Gweller, ne Znetra Gweller, il n'y a rien de meilleur. Par exemple, dans la chanson Venaval, ouais. Bédon de pelle de zedière, baléen me sbrouillou, netra me scave gueller, veiden dour avalo. Hein, je me suis promené loin, mais je n'ai jamais rien trouvé d'autre meilleur que le cidre. Hein, dour avalo, c'est normalement le jus de pomme, mais là, c'est, en fait, il s'agit du cidre, quoi. C'est le facteur de Glomel. Le facteur de Glomel, hein, Job Kadik, hein, qui était de Paul, paraît-il, d'après Dominique Jouve. Qui a fait ce que Dominique appelle le tube du Centre-Bretagne. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Alors c'est vieux, c'est récent, c'est quoi? Non, c'est dans les années 30. Hein. Ouais, ouais. Voilà. Et donc Venaval, oui, très très connu. Undine hein. Netra. Alors, je me souviens quand j'avais 17-18 ans, j'étais allé voir à la Mission Bretonne à Paris une pièce de théâtre qui s'appelait Undine Netra. C'était une pièce de théâtre de Repart Zemon. Et je me souviens plus du tout de quoi ça parle. Mais je me souviens de ce jour-là parce que j'avais rencontré deux personnes là-bas qui parlaient cornique. Ah, d'accord. Et je ne savais même pas à l'époque que ça existait, quoi. Et j'avais été très surpris d'entendre ça. Un peu du breton parler avec un accent anglais. Je trouvais ça assez curieux, quoi. Et donc je me souviens, c'est là que j'ai découvert que le cornique existait, quoi. Voilà. Est-ce qu'on en reste là, Henri? Bah oui, alors synonyme, hein, manebed, hein, ou traebed, voilà. Ben, on n'a pas parlé de netra, hein, on a parlé de quelque chose. On passe à la seconde partie, Braison Nectan Matam. Donc, à la rubrique Braison Nectan Matam, l'occasion de découvrir alors soit un petit dialogue, soit des rimes. En ce moment, c'est sur les rimes que Henri travaille chaque semaine. Oui, j'aimerais bien faire un jour un petit dictionnaire de rimes à partir des rimes qu'on trouve dans les chansons, dans les poèmes et dans les cantiques. Hein, voilà. Alors, la versification en breton. Bon, j'ai parlé l'autre fois des rimes internes, hein. Bon, ça c'est très ancien, mais ça répond pas tout à fait aux mêmes critères qu'en français. C'est plus large, hein. On verra, il y a on se donne des libertés, et puis on n'hésite pas à faire rimer le mot avec lui-même. Par exemple, mat, hein, mat, bon, hein, bien, on le retrouve souvent dans les rimant avec lui-même, quoi. Là, c'est plus qu'une rime riche, hein, c'est une rime totale. Et on n'hésite pas à le faire en breton. Alors aujourd'hui, j'ai envie de parler un peu des rimes en ed, ed ou et. D'ailleurs, ed ou et, c'est la même chose. D'ailleurs, Jean-Claude Ruyette, par exemple, préconise pour beaucoup de ces mots de les écrire ed. Ça ne se fait pas encore, peut-être ça viendra un jour. Hein, puisque le et final, souvent, se prononce ed. Et par exemple, évite, évidemment. Hein. Là, c'est un mauvais exemple. Enfin, pour le T qui devient D, quoi. Voilà. Alors, des mots en aide, il y en a beaucoup. Par exemple, spirit, eurust, spirit, l'esprit, eurust, le bonheur, hier, de la santé, bépret, alors comme tous les composés de prêt, hein, donc, qui correspondent à des moments, hein, bépret, c'est toujours, hein, et quête aussi, qui veut dire pas, hein, néquête, hein, voilà. Donc, des mots en aide, des participes passés. Bon, ils sont presque tous comme ça, puisque pour faire le participe passé, on prend la base verbale et on ajoute « être », « et », hein, pour la plupart des verbes, enfin ceux qui sont réguliers. Hein, donc ça se fait en fait comme en anglais, hein, et en anglais c'est écrit « ed ». Hein. Donc par exemple, « kusket »,« gwelet », »,« debed », »,« eruet », »,« klevet », enfin il y en a plein, hein. Donc, qu'on peut utiliser pour les rimes, hein, et bon, les auteurs ne s'en privent pas. Hein. Et puis, des infinitifs de verbes, il y en a quelques-uns aussi, qui sont en « être », par exemple « kusket » ou « klevet ». Alors, ils sont beaucoup plus rares, hein. Voilà. Et alors, des pluriels en « être », par exemple « potret »,« potret »,« merhet », Potred Merhet, dans le Neve, Amzor Neve, hein, la chanson de la bonne année, hein. Martelodet, hein, dans Martelodet Yodet, par exemple. Pesket, alors c'est souvent des pluriels d'êtres vivants, hein. Pesket, Lonet, Neved, Lapoused, hein, Eunet. Voilà, des pluriels en aide. Alors à partir de là, on a un panel, hein, pour faire des rimes en aide, hein. Alors, par exemple, dans la chanson de Jean Derrien, la Pesqueterienne Riaudet, qui parle des pêcheurs du Yodet, hein, Vel tout de Vartelauden, meus balé der bit, broyout tom meus gwellet, age broyous cornet. Alors là, on a quatre rimes, hein, qui se suivent. Donc, Martelauden, hein, donc le pluriel de Martelauden, un marin. Urbide, alors urbide là c'est un petit peu une prononciation différente, mais ça rime quand même avec aide, urbide, parce qu'on dit pas urbed, hein, sauf en anglais. Mais, on dit pas penurbed, non, penurbide, hein. Voilà, mais on entend souvent ça puisque l'influence de l'anglais est très grande maintenant, même sur le Galeg Bonnevé, hein. Voilà, donc me sbalayer d'urbide, j'ai parcouru la terre, hein, l'univers. Alors, broyou tom bus goelet, j'ai vu les pays chauds, agar broyou scornet et les pays gelés, hein, les pays froids. Voilà, là donc on a toute une série de rimes, hein, qui correspondent à Ed. Hein. Dans Undurzunel, hein, qui est une chanson que je cite souvent aussi, de Paul Tréhouré, qui était en fait un prêtre qui s'appelait Augustin Kong, hein. De ce nom Zager Vintin, Clévan de la Poussette, au canon Fredoni, d'Aveger Guépignette, hein, du matin au soir, donc j'entends les oiseaux, la Poussette, hein, pour les oiseaux, il y a la Poussette ou Eunet, hein, ça dépend du nombre de pieds dont on a besoin. Voilà, c'est pratique. Voilà. Et, Clévan de la Poussette, au canon Fredoni, hein, donc, c'est, qui chante et qui fredonne, hein. De Vigor Guépignot. Alors ça c'est assez amusant parce que De Vigor Guépignot, il a renvoyé à la fin le participe passé comme dans Sur un arbre perché. Quand j'étais gamin, ça me posait beaucoup de problèmes. Ça, c'est... Tu pensais que c'était l'arbre qui était perché? Je me demandais pourquoi l'arbre était perché. Oui. Oui. Voilà. Et en fait, Maître Corbeau sur un arbre perché. Et alors c'est possible que ça soit une influence des fables de La Fontaine parce que en fait Augustin Conc donc a beaucoup traduit des fables de La Fontaine et Paul Tréhouré, hein, donc une traduction assez libre d'ailleurs, hein. Il s'éloigne pas mal du texte, c'est ce qui fait le charme d'ailleurs, hein. Alors bon, d'autres rimes comme ça, Chiloet ta mignonnet, Chiloet myopée, alors très très courant, hein. Non, au début des chansons, hein, on appelle l'auditoire à écouter, hein, voilà. Il y a toujours d'ailleurs une introduction dans les chansons où on appelle l'auditoire à écouter, quoi, parce que les gens étaient distraits parfois dans les veillées, donc il fallait rappeler faire leur rappel un petit peu, quoi. Ou alors des choses comme Misogan et Tamaguet, très fréquent aussi. Je suis né et j'ai été élevé, Alors Barousse Carnoët, par exemple, hein, pour rimer avec Margaret. Hein. Ou plus que Lec. Ou plus que Lec, oui. Ah, plus que Lec, ce sera un peu tiré par les cheveux quand même. Mais enfin bon, on peut se donner de la liberté. Hein. Encore, par exemple, dans Hermeline Erler, tout leur filine perrue, joli coucou. Millinaire wakousquette, joli, joli coucou. Donc là, on a effectivement deux participes passés qui se répondent. Et d'ailleurs, on répond après au Waïzu ne manquait, joli coucou. Au Sardarouille vos malades, joli, joli coucou. Donc là, le quête, hein, qu'on met souvent d'ailleurs pour rimer avec un participe passé. Bon, ben on a fait un petit tour sur les rimes en hête. On va passer maintenant à Pétrazonné-Véhervron, Henri. Merci à Pétrazonné-Véhervron. Pétrazonné-Véhervron, Henri. Ben, calzedrao et velgius bouervégi ouzan. Krogom de diantan velkis accustum gandala bourdouar agervu et war armées. Neus que wal belzo e oa ba plourar homis evit canton kalak. Ze e oa de no arnug en ur vizest. Hag jusement d'un dérogue ouais, d'un anan ou Alfred Boutier, président de cause homis, pas de spenugen là. Alfred Boutier ou un den hag eus oa an aven mad bavro, hag istime gant tout d'un dut. Hag be oa pell terre an eferm gant ni vreg ba ror vreg, zez oa barouz mel pistil, a pas de tregond vla e bet ba kuzul ur barouz, Bamel pistillen, hag tostugen la ebet ei mer mameus bamel pistillen. Hag Alfred Boutier oan den ampar douar la bourdouar, plijer edan la bourdouar, hag an spirad lem, hein, spirad bon glasket er ma de mon oar og. Hag pa de tribla war nugen ebet president de homis, vit canton kalak. Alfred Boutier ou au Brezon ne gare rempart. Den abligé dans comme ce Brezon ne gare orspire l'aime l'un de startigen. Jules Gouet, je me dis comme ce grand temps me dis que d'un drap benéquet. Péjon, j'en à quand on voit où se penser, hein, croix ou de grand, ou ben, fèche tout venant, ce candidat, puis voyons, à que puis j'aurais dans l'art quand on au Brezon ne gare. Même ce bédé clé de ba RKB, hein. Au camp en Grandau en Noir Registe, à Grandau et Noël. À Paison, Jean de Albert Boutier, vraiment. Alfred. Par Alfred Boutier, il appelle Arine Madia. Jean Banor Gomes, me bicle et valise, Grand Marcel Guyous, tu te dis, c'est no que Gualtin. A Guir et un juroir, no que Gualtin, tu te dis, c'est Tin. A bon, mais de bon, derrière Jean de ce. Deux Alfred Boutier. Bon, évite chon mon temps, war dash en el arbre doua. Un tri, vis gwen golo, de ce blanc, me chon mo, ba en vor un dut, pu dur, zo bid, or manifesta, de ba Paris, gant mil pem kan tractor, hag, zevek gwel alis, me mestra, hein, de, tu hon de ce braise en me gant tracteur yo. Bédon zouet gwel tout de banyel ou gwen adu ou a gante. Hein. Très gant de la sauve, j'ai que bé gwel zé. Hein. A brom en gant douar tout un tracteur yo a banyel ou gwen adu. Bon. Un tro ou a bédo ze ma de gant potre d'un FNSEA, puis dur de ce bé de cul d'un bé de bénéfine, quoi. Bon, un dut zo deut di pite de dier on tombe, puis dur, bon, promette zo tombe zi kour ya oudem, mais neub de droit, puis dur bénéfine, ce que be comme de ze prix jo, a gazé mandal, hein, prix jo, un trou, n'en qu'est, uloir, et vite paye un hargo bénéfine. Bon, velmezlar, du stuaz, un homme zo remis aux zo deut bavro, hein, bah fin non ve amzer remiso hag bon ve disque vi disque un temps pes ve gret gan laborer yon doua vi canton kalagwa ba plourar vi canton zan nicolas mon ba jean angeli avec de der Pembe vis Gwen Golo, tram de dé, un des Oa des Saden, Oa concours Jezek, bah, département Odo en Arvor, vid, Lamballe. L'Ankebé, bah, fait le Jezek. L'Ankebé. L'An, nuit, l'Ankebé de Blanc, Oa l'Erzé, vos salons se passent, bah, Roison, hein. Calze Stai, ou vos Gwel, dé, non? Bon, avec, Zizomad, même stra et zoué zizoir, hein, well, de ne y a que ma d'un trou gant de la bourdoua, de révrance, mais zin de harske de vahardour yon de bepsor trou, de zon de spas, hein, puis d'un mame zoubé de, ré à oua casdon d'un link vidon, ne ce que place évité, hein, avec vahardour yon de zizkouez bin view mécanique ou, dans de vise ou vide de la bourdoua, hein. Un encadre en zo, mais me sera, du roi, n'a qu'à rival, on verse, ou en dachen, zé. Ou en dachen, un endrone, la rin que calze dra, arvé, je me roise, tostara, un emvo de, ou en skelamzer, pe ou en l'imam, à peu soin, hob, ou non, ou en nugen, vos grains de zé, à vos, bah, paris, bah, fine mise, bah, fine blanc, pe la rin, bah, fine mise, tiers u. Bonne. Calze du de, pis comme j'en de zen androse, au bide, pas de nom, vide gwel de len, guerlédan, disir, d'un. Ag, vraiment, vos, bam, dis caramzor, vos hadkarg de len. Ag, dis, benebla, allo, bigi, montadon, war len, adare. Ambassin de vos tièmes de du, d'un, pis vos carg de len, velo apédi, ou a disir, d'un. Ma treizen, au vige d'un gouel, non, disir, de, t'es roi d'un dut de vel nom, had carget. Dans mon temps, vraiment, war d'acheneur politique et res. Bah, fine blanc, bah, mystiersu, hein, pis, vec gradalise, hein, vous, vota dégou, et vide, rendre royou. À crog et politicour, y'en de vire, vion tom, war un affers, plus dur, bon, réseau, bah, pen en trop, Glasgow, miro de vlas. Agarez au Casmont Bars, Glasgow Discarnet, et vel juste, hein, à disement, un trou. Avec qu'ils accustument, vous guettez qu'à le promesse ou, et vi rastez là de mouéjou. Promesse ou à vous, en quoi, d'un déwaler, vota dégo, et vel juste. D'asquir, musclève de, au nom, enfin, musclève, musclève, non, mais l'aine meusoir à gazette, un ouest éclair, au nom, au Cambali, et vide, et ville une tuguen, mais, alors, elle fait bout de dos, une turu, hein. Même ce qu'on joue au clève, hein. Aguilar et Awa Edu, quand on a, vos brace, quand on identité, les spins vidiques. Ag, bénéfine, on a squeeze, on tombe, clève de, aïe, on squeeze, on tombe, au clève de, zoton, ils up, dur, pévéguel, et pégan, trué, justement, stade, zévena, dur, ag, brison, le gavel juste, bah, vro, et à y point, me stra, d'Iran, de l'art zoton, ils disent, mais, clève de vos zoton, ils disent, pas de, vos du de Cambali. Bon. Dans mon temps, vraiment, ou à radash, une, zévinadur. Il y a pem quand de l'assaut, ou à bête, n'aime quand de Marignan, bah, bro, Italie, très oudard de France Chanton, bro, Hall, un gazoudard de bro, Suisse. Ag, bon, Edouard Mout, gant van chantant, mais, bon, d'affezé, ou abe la radoual. En dis, wardro, ugen mille den. Ag, raisonnoit canin, ne se dis que zé bascol, puis dire, bascol, pe wan mi, bopen, mais, à, ma treizenement dis, roas, vi j'ai dis que d'un histoire vellement bescrive, de gant michelet, à tu dis, quoi, sorte gontaden, zévelard roman national, ag, au lévier, yo wa bégred, war, histoire brohal, gand Ernest Lavis, instituteur national, a his ne se gred, bénéfine, et Ernest Lavis ne scrive de, histoire brohran, zvel moissance de vous, de, hygiène quand Jacobine d'un ag bon roise bah peine une dune mon compte dis bon Nimlar et 1515 Marignan eu la crin waram que Régis pétoisé mais bon peut toi 1515 Marignan quoi ag Andrael, ouais, Trihan de l'assaut, de Tientan de Miss Gwengolo, Milseiskan Pemzek, ouais, tenant non, Louis Pévarzeg, hein. Louis Pévarzeg, hein, ou Ebro Hall, on den, l'un de l'or, mais au bédouard, orbédo, vichpenekada. Aga, de Huls, bon, vigé, comme je te casse de ce Louis Pévarzeg, vel, Rou et Hiol, hein, le roi soleil, hein. Ag bon, or sort contat de noix, ma mesmaud, war, war bu et Louis Pévarz, gam. Bon, tramle des brément, non, ag, tostarom de zun discarom zon. War dachen, zévena, du réseau, be calze drau bavro, bah non, et vel, gwel zon loup, bah gwengom, gwel bro plin, ban d'anou, de boulevri, agam. Gwel brofisel ba rostren, blanc mezo bekal ze dut ba gwel brofisel, hein. Quand ne vartelo dut ba pempoul, hein, ar oa kal ze dut, hein. Bon, evich déchu, m'en bed ne vaisseau, concours zon erien ba gourin, hein, evel be plan. Hag zo bed de smezan ou speng 10,000 dut, hein, au chila ou concours zon erien. Hag vraiment et deux de mar et un distro et videur scolio hag eve et videur strolad ou a bep sort ou ar dash and ar sport ar zevena du rezon neirez hag troel vid un distro scol meus lar a déjà un chômeur a distor place en brezon nek bas scolio bon nak kalz un trou a rog gwell meus da square ba grâce, hein, n'est que deux de ben de zigour, hier, las diou yézé, gagouskoudé, n'est là que calze bon, mais de bon, n'est que deux de ben, hein. Même stra, bah, pont de croise, bah, bro, hab, hein, zo, bé, digour, de, blam, or, skol, diwan, stalié des bé, bah, or, skol, or, skol, ou à dilez, gan, skol, or, stade. A gratté un peu les débits quand tu de vu graler. A orskol vent mais quand perzek bugle. Évite crog, hein, mais en je réel autant de prestige. A chance va de la rendez, hein, bascol diwan pont cross. Bon, un DL bah Locarne ou Abegrade d'un Tom Lead Kuhn Auguste Faircock. Auguste Faircock ou Abegand de Bacalac. Ba fin ur brez, la, bla pemb a daugun. Hag neus gret studi ba HEC a waler oed en Amerik de vid e studi. Hag mi meus hana venant pe oan bom dau ba hor studi ba Paris. Hein. Meus hana venant bad, hein, veja ou tap a men train de zon de vreiz, pu durin te de vel ivam goz de oa ba kalak. Ami de vel mon goz ou ba purut. Hag même bed a rempret ou cleven meus ni oa bed ur gwalzar vous de babla dauze gatrugen. Hag oa chombe de paralizet. Hag boen ne moa ke bed tiel ou desan. Hag ar meus gwell et benefin oa ar gazeten oa mar ur bla dauvil. A moa ke bed cleved. Mais on den jint il tre hag ur pen ur spered lem oa gant de Auguste Faircock. Bon, c'est une même grande, on tombe trop, ou arpé sonné, vé, bavro, belle vé gel, vos grades roisses. Kenon Eri.